Il est très exactement 4h passées d'une minute sur Radio 21 qui vous fait la totale ce soir avec la 21 DJ Session. Avec tout d'abord DJ Morpheus qui a joué de minuit jusqu'à 2h10, 2h15 du matin. Ensuite, c'était mon confrère, 2h16. Ami, collègue Bernard de Belair qui a repris les manettes de manière mais plus que remarquable, cher ami. Merci Alex, tu es trop gentil. Non, vraiment, très très bon boulot. J'ai précisé, tu n'étais pas évidemment à l'écoute puisque tu étais occupé à tourner. J'ai précisé à Samy, donc DJ Morpheus, que j'avais trouvé que son set était vraiment parfait parce qu'il a vraiment passé de tout. Il a à la fois passé de la drum and bass, il a passé du hip hop, il a passé du rap, il a passé de l'électro. C'était vraiment très très bien. Et de la jungle, je sais pas si tu l'as dit, drum and bass, oui. Drum and bass, ouais. Ça, il faut avouer que ça, c'est ce qu'on appelle un 700 compromis. Ben, DJ Morpheus, on le connaît évidemment pour ses compilations Free Zone essentiellement. Il a fait très récemment une compilation hip hop. Il a également fait des compilations. On en a parlé. Je pense qu'il a fait une compilation House. Il y a à peu près 2 ans, il a fait une compilation breakbeat. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est ben, particulièrement doué dans tous les domaines. Ben, il a prouvé aujourd'hui que ben, même quand il est DJ dans une salle, ce qui est quand même un petit peu plus difficile d'arriver à faire danser les gens avec ce genre de musique-là, parce que en général, les gens préfèrent avoir soit de la techno, soit de la drum and bass. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'arriver à passer d'un style à l'autre. Vraiment le cocktail et, maximum. Et surtout que le public suive, c'est ça qui est génial. Et le public a continué à suivre et plus que bien avec ton set qui a duré 1 heure. Et depuis 3h15, plus ou moins, c'est Bob Sinclair qui est tête d'affiche ce soir pour cette 21 DJ Session. Donc c'est Bob Sinclair alias Chris qui a repris les commandes. Et il sera aux commandes de la Sono, de la Sound Station pour Radio 21 jusqu'à 5h, 5h15. Heure à laquelle on retrouvera Alex DJ de 21. Pimoff. Et oui, DJ de 21. Alex Pimoff, enfin tu vas pouvoir mettre le feu. Mais pour mettre le feu, on attend DJ Double Axel. Oui, hein. J'allais dire, ne mets pas le feu aux platines quand même, parce que Axel doit encore s'en servir juste après. Donc Axel reprendra Double Axel, puisque c'est comme ça, c'est sous ce nom-là qu'on le connaît. Il reprendra les platines, j'imagine, vers si tu commences à. On va se partager, sachant qu'on perd en quelque sorte l'antenne à 6h30 en fonction de l'heure à laquelle Chris, donc Bob Sinclair, terminera. Un set d'une heure, c'est un peu court. Frustré là, frustré, comme tous les DJs. Ah bah oui, ça c'est terrible. Jouer une heure, ça c'est vraiment trop peu. Eh oui, que veux-tu ? Enfin bon. Donc encore un grand merci à vous qui nous écoutez ce soir sur 21 et un grand merci à tous ceux qui sont présents ici ce soir à la Sound Station à Liège pour la Super 21 DJ Session. Et on retrouve Bob Sinclair sur 21. Hop, on re-switch de la salle numéro 1 à la salle numéro 2. Voici Bob Sinclair sur 21. We'll be right back. Sneak attack. We'll be right back. Vous êtes sur Radio 21. Sur Radio 21, vous êtes en direct de la Sound Station à Liège avec derrière la console technique Gino D'Agostino. Yes, en pleine forme comme les 100% du public qui est là ce soir. Vraiment, il y a une fête mais incroyable, tout comme quand étaient venus Dimitri From Paris et Charles Chillings. Tous les amis sont là, Stefano, toute la famille, c'est qui, yeah. Ok, eh ben oui, Liège, c'est un petit peu de l'Italie aussi, hein, quand même. Ok, donc vous êtes toujours à l'écoute de 21 avec cette 21 DJ Session avec Bob Sinclair qui nous fait un set vraiment très très chaud, très très gros avec le French Touch. Et aux alentours de 5h, 5h15, donc dans une grosse demi-heure, normalement Bob Sinclair, sauf si vraiment il s'éclate un maximum, et c'est quasiment le cas, il risque de continuer un peu plus longtemps. Après ça, ça sera les DJ de 21 qui reprendront les commandes. Alors maintenant, on repasse, cher ami Gino, sur la musique de Bob Sinclair, puisque nous sommes ici dans la salle numéro 2. Voilà, et hop, on voyage. Voyage, voyage. Yeah, it's a real trip to be on Radio 21. Straight from Liège. At the sound station for the 21 DJ session. Check it out. Move your bob. Here we go. Shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls, and circle forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. Back. And during the few moments that we have left, we want to have just an off-the-cuff chat between you and me, us. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. We all agree tonight, all of the speakers have agreed, that America has a very serious problem. Not only does America have a very serious problem, but our people have a very serious problem. America's problem is us. We're her problem. The only reason she has a problem is she doesn't want us here. And every time you look at yourself, be you black, brown, red, or yellow, a so-called Negro, you represent a person who poses such a serious problem for America because you're not wanted. Once you face this as a fact, then you can start plotting a course that will make you appear intelligent instead of unintelligent. Mountain up.